Ouais, ce soir je plane, je regarde mon âme, ainsi que cette flamme qui s'allume quand je la fume. Et quand je vois cette grande table, le tout pour bien bédave, de l'alcool et des grammes, je crame ma maille pour être die. Ouais, c'est ça, la vie d'un adolescent habillé qui crèche à la cave avec des potes pour 2-3 taf. Ouais, c'est ça, la vie d'un adolescent triste qui sèche ses larmes en se brûlant le crâne. Ouais, c'est ça, la vie d'un adolescent qui vit chaque jour comme le dernier, car rien n'était prédestiné. Ce soir j'allume, je fume, bien plus que je ne respire. Oui, ce soir je brûle ma thune pour me payer le pire, tout pire du pire mortel. Ouais, c'est moi, moi qui l'enterre. BM fait le tour de la terre en faisant planer comme l'air un voyage futur en arrière. Ouais, c'est moi, moi qui l'enterre. BM fait le tour de la terre en faisant planer comme l'air un voyage futur en arrière. Yeah. Yo le monde. Cette année sera salée, j'en ai plein le palais. La fumée sort comme un empereur de son palais. Tu ferais mieux d'avaler, comme ta sœur allait. Fais tourner le joint avant de te faire tourner. Je vais planer, planer trop haut, dans un délire trop beau. Le bédo est trop beau, mais les effets mazelto. Prends une toffe, merci avant la prise. J'suis déjà shooté, déséquilibré, j'suis déjà shooté. Ainsi que déshydraté et déshydraté. Comme mélanger du shit et n'importe quoi. En vrai, on s'en bat les couilles parce que la soirée commence déjà. Et on plane déjà. J'vais juste planer toute l'année, c'est ma soirée. Donc j'vais rouler pour s'envoler. De juin à juillet, smoke weed every day. Je fume bien plus que je ne respire. Oui, ce soir je brûle ma thune pour me payer le pire, tout pire du pire mortel. Ouais, c'est moi, moi qui l'enterre. Et elle fait le tour de la terre en faisant planer comme l'air un voyage futur en arrière. Ouais, c'est moi, moi qui l'enterre. Et elle fait le tour de la terre en faisant planer comme l'air un voyage futur en arrière. Profite de la vie, j'suis pas pour l'école, ça c'est mon avis. Faut que l'amour, l'alcool, quand ça détruit, vis au jour le jour, au jour la nuit. On m'a dit cours, vol, profite de la vie, j'suis pas pour l'école, ça c'est mon avis. Faut que l'amour, l'alcool, quand ça détruit, vis au jour le jour, au jour la nuit. Ce soir j'allume. Je fume bien plus que je ne respire. Oui, ce soir je brûle ma thune pour me payer le pire, tout pire du pire mortel. Ouais, c'est moi, moi qui l'enterre. Mais elle fait le tour de la terre en faisant planer comme l'air un voyage futur en arrière. Ouais, c'est moi, moi qui l'enterre. Mais elle fait le tour de la terre en faisant planer comme l'air un voyage futur en arrière. Yeah. C'est moi, moi qui l'enterre.